un garage automobile, un cascadeur muet, un crabe dans le dos. Cette semaine, on a maté Drive et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonjour et bienvenue dans 2 heures de perdu, aujourd'hui consacré à Drive de Nicholas Winding Refn. À mes côtés. Tu peux le redire? Refn. Je sais pas, il y a un F et N qui sont, je sais pas. Moi, j'ai jamais su comment prononcer ce mot. Hein. Bonsoir, Michael. Ah, bonsoir. Ça va? Ça va, bien. Ouais. À tes côtés, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Comment ça va? Forme olympique. Ah oui. Ah, ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Et à tes côtés, Greg. Bonsoir, Greg. Et bonsoir. Comment ça va, Greg? Ben, ça va très bien, et vous? À 100 à l'heure. Tu me vouvoies ou... Non, mais je parle à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben, moi, ça va, je suis bien. Ouais. D'accord. Moi, ça me fait pas beaucoup plaisir de vous voir, mais ça va bien. Je préfère vous voir que voir ce film, moi, par exemple. Ouais. Malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. Ça se mérite, tout ça. Aujourd'hui, on parle de Drive de Nicholas Winding Refn, sorti en 2001. Qui dure 103 minutes avec Ryan Gosling, Karen Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman, Albert Brooks, Oscar Isaac et Christina Hendricks. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Vous me donnez une heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis. Vous venez d'arriver à LA? Non, il y a un moment que je vis ici. Vous faites quoi dans la vie? Des cascades dans les films. C'est pas trop dangereux? C'est qu'à mi-temps. Salut. Salut. Ah, vous vous connaissez? Arrête. Vous le mettez derrière un volant. Il n'y a rien qui l'arrête. Je te présente Monsieur Berniro. Ok. Donc, déjà, je peux dire que je suis très content de l'avoir vu en VO. Ah ouais, putain, la VF. Alors moi, d'habitude, je regarde pour les besoins de l'émission, je regarde plutôt les films en VF. Ouais. C'est plus mauvais en VF, tout simplement, donc je trouve que ça colle mieux au concept de l'émission. Celui-là, j'ai regardé en VO. Ouais, moi aussi, j'ai regardé en VF. Moi, j'ai regardé en version canadienne. C'est vrai, très bien. J'avais hésité avec le tchèque. Mais du coup, le mettre derrière, voilà. Non, mais sans déconner, en plus, super mal les Québécois. Ça casse vraiment le truc parce qu'on a l'impression qu'il est vachement plus speed en fait que dans la version originale. Parce que dans la version originale, c'est insoutenable tellement il parle lentement et tellement il parle pas. Ouais. Ben là, c'est une bande annonce. Je pense qu'ils ont volontairement enlevé les meilleurs moments de 40 secondes quoi, entre toutes ces phrases. C'est peut-être ça. Qui résume le film? Bah, moi, je vais le faire alors. Vas-y. Spécialiste. Alors, c'est un mec, il conduit des voitures, il parle jamais. Et ouais. En fait, il est cascadeur et comme il conduit très très bien, il se fait souvent employer par la mafia ou des malfrats, hein, tout simplement. Les malfrats, ouais. Malfrats, des brigands. C'est pour toi, ça, Michael. pour ses qualités de conducteur, pour se planquer aussi, il est très fort pour se planquer en bagnole. Et après, bah, il se rend compte qu'il a une voisine qui est cool, qui est jolie. Il aimerait bien se la faire, mais il est vraiment pas à l'aise dans le monde. Ouais. Bah, elle a un mioche, quoi. Ça va compliquer. Elle a un mioche en plus, et en plus, elle a un mec qui va revenir. Qui était en prison. Ouais. Et lui, il est quand même bonne patte parce qu'il va vouloir aider ce gars-là et aider sa famille. Et donc, il va accepter un contrat qui va mal tourner. Voilà. Et voilà. Exactement. Très bien. Bah, ouais, bon résumé. Hein. Merci. Ouais, merci. Moi, je suis content. Ça me fait vraiment plaisir que vous... D'après, pour un mec qui a oublié ses fiches, c'est vraiment bien. Très, très content. Ok, déjà 20 secondes. Première vanne sur le fait que j'ai oublié mes fiches. Alors moi, par contre... Vu le film, hein. Vas-y, excuse-moi. J'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Il faut que tu changes de bibliothèque avant que je change. Et t'es tombé sur quoi alors? Ah bah je suis tombé, figure-toi, sur le DVD de Rain Man. Il y avait un notice qui regardait par la fenêtre pendant 1h40. Il y avait une scène, hein, dans Drive à la base où il comptait les allumettes. Ils l'ont enlevé quoi. Et enfin ceci étant, moi franchement honnêtement, j'ai beaucoup aimé voir ce film. Ouais. Moi j'ai kiffé. Moi je l'avais vu au ciné, c'était vraiment, j'avais vraiment souffert ciné, là, j'ai beaucoup moins souffert en fait. Putain, exactement pareil. Moi, je l'avais vu au moment où il était sorti au cinéma. Et tout le monde en parlait. Il y avait ce phénomène Amélie Poulain, ouais, tu vois, ouais, genre, ouais. Ce film est le plus grand film de tous les temps, il faut absolument que tu le vois, c'est les années 80 et tout. Alors déjà, c'est pas du tout les années 80, on va y venir, mais c'est absolument pas les années 80, à part la musique et son blouson. Son blouson, si son blouson, il est bien. C'est vrai que le crabe est assez des 80. Ah, c'est un super crabe. Vachement bien ton blouson avec le crabe. Et là, franchement, je l'ai revu et j'avais peur de vraiment faire chier. En fait, c'est quand même cool. Ça passe bien. Ouais, moi, j'avoue que je fais même partie des 0,1% de gens qui ont aimé Only God Forgives. Que tout le monde a détesté, ouais. En fait, qui a sorti après. Moi, je l'ai pas vu. Que Nicolas ou Edith Brock, professeur, a sorti après. J'avais beaucoup aimé. Et toi, Marin? Moi, c'était. J'ai trouvé ça un peu long, quoi. D'accord. Ah ouais, pourtant 1h40, ça va, quoi. Non, ouais, franchement, ça allait, ouais. Non, mais t'as pas franchement, la peine, en fait, quoi. Pour le coup, j'étais hyper... pas en gueule de bois, mais j'aurais bien fait une petite sieste. Ah ouais. Mais. Je sais pas, moi, le problème en film, moi, c'est que en fait, c'est des scènes de films ultra stylées, genre parmi les meilleurs du monde, entrecoupées des trucs les plus impossibles, improbables et insupportables au cinéma. Ça aurait vraiment pu être bien, d'ailleurs. En fait, ça démarre très bien avec la première scène qui est vraiment bien. Ouais, la première scène est très cool. Et ce que j'adore, c'est de la musique, tu sais, qui te met vraiment en tension. Et le gars, tu te dis, en fait, au cinéma, c'est ce que je m'étais dit. Là, on va avoir un bon film. Et en fait, dès la deuxième scène, ça me plombe vachement. La première est super cool. Il drive, pour le coup. Ouais. On va expliquer. Mais du coup, en fait, la première scène, c'est la fameuse scène où il a un contrat avec des mecs. Ouais. Donc, en gros, le deal, il explique. Il explique au téléphone. Dans une chambre d'hôtel. Oui, d'ailleurs, il a un problème parce qu'il parle pas beaucoup. Mais c'est pas chez lui. Ah ouais, là, il a un problème. Hein. Il a aussi un petit problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a peur de la lumière. Hein. Quand il est chez lui dans une pièce, il éteint toutes les lumières. Il est photophobe. Au début, il est tout seul dans la chambre d'hôtel, il éteint toutes les lumières. Bon, ça va, tu vois. Et il explique, donc, on entend dans la bande-annonce, moi, je suis juste votre chauffeur. Pendant 5 minutes, je m'occupe de vous. Chauffeur. Après, vous vous démerdez. Avant, vous vous démerdez. Voilà quoi. Ouais, je porte pas d'armes, machin. Tu comprends qu'en fait, il va conduire des braqueurs après un braquage. Ouais. Quoi. Il va chercher sa caisse, ça c'est marrant, il va chercher sa caisse donc chez le père de Malcolm. Au garage Renault. et déjà, tu comprends qu'il parle pas. C'est-à-dire que cette scène, elle est trop marrante. Ouais, c'est un traveling où il rentre dans le garage et t'as le mec qui lui fait ouais, alors du coup, je t'ai tout changé, salut, machin. Et lui, ne répond jamais. Mais en fait, Ryan Gosling, il parle au bout de 17 minutes de film. Ouais. Bah, à part au début, quoi. Toute première scène où il parle. Ouais, première scène, il parle, non? Ouais, toute première scène, il parle. Ah oui, au téléphone. Ouais. Vous parlez qu'au téléphone, en fait. Après, pendant 17 minutes, il parle pas, quoi. Ouais, c'est hyper. Ah, il conduit, en même temps, il peut pas faire les deux en même temps. Ça, c'est... Il réfléchit tout le temps dans le film, quoi. Il est tout le temps pensif et tout. Ah oui, c'est un peu fatigant. Ouais. Mais moi, enfin, pour revenir à la première scène, je trouve ça assez cool. Parce que quand il va foutre la bagnole, là, dans le stade, c'était super malin et tout. Dans le stade? Ouais, ça c'est hyper. Mais c'est super cool. Ouais. Cette scène elle est super cool. Il y a quand même un truc qui me fait marrer dans cette scène, c'est que il amène la bagnole au stade. Bah t'as juste deux mecs déguisés en braqueurs avec des sacs de bifton qui sont hyper dans la merde, quoi. Parce que t'as tous les keufs qui sont devant le stade. Enfin les keufs ils ont bien compris que le mec était rentré parce que tu le vois sortir avec la casquette, ils croisent les keufs. Évidemment qu'ils vont fouiller les caisses dans le truc, quoi. Tu vois, genre moi je fais mes. Ouais, clairement... mais il y en a beaucoup. Ouais, mais attends, les braqueurs ils vont changer de vêtements, quoi. Ils vont pas sortir avec leur cagoule. Ou alors c'est des braqueurs vraiment trop cool. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils deviennent ces gars-là. Les cagoules Clippers. Les cagoules Clippers, ça passe. Ce qui me marre, c'est que tu sais, il sort une casquette de l'équipe, tu vois. Ouais. Genre, moi, tu sais, j'étais au stade. Imagine, tu sais, il se plante de casquette, il prend un truc de la JOCR. Un Bob la JOCR. Le truc, il est trop fly. Tu sais, il est pas du tout allé voir le baisse. Ça va bien avec le crabe, la JOCR. On sait que Gosling, en plus, est pour Guingamp. Tu dis n'importe quoi. Ah, mais cette scène elle est très bien, mais alors moi ce qui me fait marrer dans cette scène, c'est bon, déjà il faut expliquer qu'en fait il va chercher deux braqueurs et en fait il les amène juste à la fin d'un match de basket de l'équipe de Los Angeles au stade pour qu'ils se fondent dans la masse en fait. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est branché à la fois à la radio sur le match de Los Angeles et en même temps sur la CB des flics, parce que les flics communiquent en CB. Enfin, Los Angeles c'est comme ça, parce que avec un talkie-walkie il arrive à intercepter les conversations d'après tout. C'est pas crypté là-bas, c'est pas crypté à Los Angeles. Il a eu de la chance de pas tomber sur des routiers, parce que moi c'est ce qui m'arrive quand j'avais des talkie-walkie chez moi, je me mettais vers la fenêtre et puis je tombais sur les communications de routiers. Oh, ça devait être. Et donc ça a un peu perturbé mon innocence. Juste après le stade, ça plonge, quoi, en fait. Ça plonge, là, il y a gros vide, quoi. Gros vide de dialogue et de tout, là. Bah, déjà, t'as le générique, donc, avec le truc de Kavinsky. Oui. Et tu comprends déjà aussi sa peur de la lumière. Parce que pendant le générique de Kavinsky, il rentre chez lui, il n'allume aucune lumière. Et puis voilà, après, il part rouler dans la nuit. On va voir, dans le film, ça, c'est un truc qu'il y a tout le temps. c'est des plans de Los Angeles de nuit tournés en hélicoptère. Ouais. Genre, tu dois avoir au moins 20 minutes de ça. Dans ouais, mais ils sont cool, ces plans-là, j'ai trouvé un peu. Bon, au bout d'un moment, bah, c'est bon, j'ai compris comment était Los Angeles. La tour à droite, la tour à gauche. Moi, j'ai pu refaire un plan de tête. À l'origine, ils voulaient tourner à Clermont-Ferrand et ça marchait moins bien. Ils avaient fait les plans d'ailleurs. Il y a rien, en fait, c'était trop petit. Et puis c'est un peu tourné comme une pub tout le temps, quoi, comme un clip. Il y a des effets de flou. C'est le meilleur clip de Kavinsky d'ailleurs. Il dure une heure et demie, quoi. Mais tout le monde adore ça en fait, mais juste au bout d'un moment, c'est super fatigant, quoi. C'est que des photos. Alors moi, pour le coup, je suis pas hyper fan de la BO. Hein. Je dois avouer. Bah, tu vois, moi, pour le coup, j'en pouvais plus de cette musique quand c'est sorti. Et de la réécouter aujourd'hui, bah ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, en fait, elle était cool. En fait, je trouve qu'elle colle plutôt bien au film. Ouais, malgré tout, elle colle plutôt bien aux images. Ouais. Mais après, moi, je suis pas du tout du genre à écouter la BO Drive en dehors du film. Mais moi, je suis sûr que ça va vraiment vieillir, en fait. Parce que quand j'ai revu le générique, je me suis dit, oh là là, ça va devenir kitschissime. Ouais. Genre, tu sais, dans le Revival 80, ça va devenir kitschissime avec les écritures roses et tout. Ouais. Ça marche quand c'est Scarface, mais quand c'est déjà de l'imitation, ça peut pas bien vieillir, en fait. Ouais, avec la musique de Kavinsky. Ah, je suis d'accord avec lui. Je pense que ce film-là, dans 10 ans, tu vois le générique, tu fais, putain, j'en peux plus de ces musiques Revival années 80. Ouais. Parce que, dans 10 ans, on sera dans un Revival années 90. Les années 80, c'est la honte. Ouais. Bref, il y a le. Après, donc, on comprend qu'il est cascadeur de films. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool encore. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que tu vois le mec, il arrive sur le tournage et tout. Personne le maquille, c'est à lui de mettre son masque. Ouais. Un masque de Franck Leboeuf. Je n'étais pas bien parenthèse. Non mais genre personne va s'occuper de lui, tu vois, genre ils font ouais, le mec chelou muet là, bah laisse-le mettre le masque tout seul lui. Hein. D'ailleurs c'est le tournage de Fantomas en fait. Et dans tout ce qui me fait marrer, c'est que juste avant de, tu vois, genre en vrai tu signes un contrat avant, machin, t'arrives le jour J, t'as des équipes de cascadeurs et tout. Là il arrive tout seul, il met son masque, il se met au volant de la bagnole et là t'as un mec de l'équipe de tournage qui fait ouais, faut que tu signes les papiers, c'est au cas où tu meurs dans un accident. Genre il explique, c'est hyper cliché. Donc c'est au cas où tu crèves, voilà, nous on est défaussés de tout, voilà, tu signes. Et lui dit rien, forcément. Il essaye de parler sans doute. Hein. Mais sous son masque, en fait, tu vois un peu, il est en train de réfléchir. Il pense très fort. Il pense beaucoup. Hein. C'est un peu le Buster Keaton de la cascade. Voilà. Et après, il va au supermarché, il rencontre sa voisine. Ouais. Elle va pas très bien, sa voisine, parce qu'elle a pété la voiture. Alors, elle tombe en panne à l'arrêt. J'ai remarqué, en fait, d'un seul coup, sa voiture fume. coup de chance, elle était déjà arrivée aux courses, quoi. Oui. Tu vois, ça ne s'est pas arrivé pendant les mettre dans le coffre. Bon, bah, tant qu'à faire, je vais aller faire les courses, parce qu'en plus, c'est après qu'elle le convoi. Oui. Mais c'est quand elle revient, en fait, qu'elle se rend compte que ça a bagnolé en panne. Heureusement, il y a quand même Buster Keaton là qui traîne dans le coin, le mécano de chez Renault, et donc il va pouvoir lui réparer sa bagnole. Il lui répare sa caisse et. Il lui repart pas très bien visiblement parce que deux jours après, elle débarque au garage quand même pour se faire réparer. Je sais pas si vous avez noté. Mais déjà entre temps, ce que je trouve, ça c'est un truc dans ce film là, ça va vraiment hyper vite, mais. Ils sont pas encore partis faire la nature là, je vais revenir sur cette scène plus tard. Mais avant, déjà au bout de deux secondes, tu comprends que le papa il est en zonzon. Ouais. Tu l'as pas encore vu, mais tu sens que ça va être un détraqué. Ouais. Plutôt soft, hein, comme détraqué. Oui, ouais, il est un peu nounouille, hein, comme détraqué. Un peu nounouille. Il y a zinzin. Comparé à Ryan Gosling, tu vois, il arrive, c'est un peu un génie, quoi. Et c'est le gars hyper. Enfin, il peut tout faire, quoi, dans la vie. Quoi, bah, il est juste plus beau, plus puissant, plus fort, plus assurant. Il s'est paré en plus. Et moins bovin, quoi. C'est un peu un bœuf, Ryan Gosling, dans ce film, je crois. Il a un regard bovin, vous trouvez pas? Non, il est beau. Oh là là. Ah, vous le trouvez beau? Barbara, est-ce que tu trouves Ryan Gosling beau? Il est pas mal, ouais. Ah ouais? C'est pas mon genre, je quitte l'émission. Moi, je le trouve mieux que Laurent Gérard, par exemple. tu comprends que dès qu'il y a la meuf, et ça, dès qu'il y a la meuf qui apparaît à l'écran, t'entends une nappe sonore. C'est un espèce d'orgue hyper clair qui va jamais s'arrêter, c'est l'église. Tu fais bien l'orgue. J'ai fait des concours d'imitation d'orgue. Et tu comprends tout de suite que le gosse, il le veut en père. Quoi. Ouais. Il y a une alchimie de dingue entre ces deux-là. Il y a une alchimie de dingue, c'est qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, mais ils sont tous les deux en train de regarder un dessin animé. Et là, tu vois, on sent qu'il y a vraiment, symbiose parce qu'ils sont au même niveau. En fait. tu sais, d'où vient l'alchimie. Tu sais à quel moment le gamin se dit je veux que ce soit mon père. C'est quand il lui dit tu veux un cure-dent. Mais c'est trop nul. Comme si tu proposais un cure-dent à un gosse. Alors que moi, mes parents m'ont toujours dit de pas accepter les cure-dents venus d'étranger. Ah, tu veux le mien? Je vais commencer à le mâcher pour toi. Non, mais en plus, et surtout, mais c'est ça, en vrai, ils ont le même âge, quoi. Bah ouais. Ils ont le même âge. Non, Ryan même le môme est plus malin. Le môme est plus malin, quoi. Il est plus c'est le même scénario que Big là, tu sais, c'est le truc avec Tom Hanks où où il devient grand mais ça reste un enfant dans la tête. Bah là, c'est la même chose. Il y a que toi qui vois ces films là. Bah non, c'est un grand film. Après, il y a la mafia. Ouais, la donc mafia, les cool, Italiens, hein. Les méchants. Alors, ils sont méchants. Ils font peur. Hein. Bah c'est-à-dire que déjà, il y en a un qui a une espèce de mix entre Tom Waits et Jean-Pierre Castaldi. Là, il fait peur. Jean-Pierre Castaldi. J'avoue, il est une mâchoire lui. Oh putain, ouais. Et c'est lui qui joue Hellboy. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais, non, lui, il fait flipper, lui a cassé la jambe avant. Ah, je t'ai cassé la jambe, tu vois, genre, c'est vraiment hyper violent. C'est un bizarre. Mais d'ailleurs, tu parles de la scène où ils sont à la pizzeria, où ils lui proposent un biz. Et j'ai pas du tout compris le principe de ce business, là. Bah, Breaking Bad, il veut construire un circuit de stock car, donc il a besoin de pognon. Et puis, pour avoir du pognon, non, il s'adresse une à, la voiture de stock à la mafia. Je crois qu'il veut construire un circuit aussi. Ça me paraît beaucoup. En fait, à un moment, je comprends que bagnole, mais ça me paraissait beaucoup quand même 400 000 dollars pour une bagnole. Oui, pour une voiture, il a la bagnole, il peut la construire, quoi. Non, il veut un circuit. Il veut un circuit, il veut un circuit, il a le driver pour. Pour gagner toutes les courses. Voilà. Ouais. Enfin, en même temps, le driver, faut pas exagérer, quoi. Ok, il drive bien, mais il y en a d'autres, des drivers. Hein, ouais, puis ce qui serait con, c'est que personne d'autre s'inscrive à la course. Et du coup, il y a un truc qui fait marrer, c'est que Ryan Gosling, direct, il manque de respect aux mafieux, mais genre, tu vois, moi, je suis dans un monde complètement parallèle et à part. Et c'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de vous. C'est-à-dire, tout le monde a peur de vous, mais bah, attends. Moi, je vous manque un peu de respect parce que je suis bizarre. Il lui sert pas la main, c'est vrai. Bah, en même temps, le mec, déjà, il se lance dans une aventure un peu chelou avec une nana dont le mec va sortir de prison dans une semaine. Donc, effectivement, je pense qu'il a peur de rien parce que moi, je me fais barrer en courant depuis longtemps. Hein. Et là, il y a du coup, elle passe au garage, la gonzesse, parce que sa voiture, faut quand même vraiment la réparer. Ouais, ouais. Et là, le père de Malcolm, il est hyper sympa. Parce que non, mais surtout, en plus, le père de Malcolm. Pour moi, ça restera toujours le père de Malcolm, quoi. J'adore ce mec. Et surtout qu'à mon avis, avec la fumée blanche qui sort du capot, c'est le joint de culasse. Hein. Ça va compter bonbon. Hein. Et en fait, c'est pareil, lui aussi, il est hyper gentil parce qu'il dit bon, c'est bon, prenez votre après-midi, comme ça. Non, il est sympa. Il dit non, mais tu vas la ramener, hein, tu vas la ramener. Ah, oui, Gogolito, tu vas la ramener. Oui. Et là, il fait un petit sourire. Oui, je vais la ramener. Et il va vous ramener en bagnole, lui, le gars. Oui, lui, le mec au fond, là. Non, mais n'ayez pas peur. Hein. En vrai, la mère de famille qui est bien avec sa gosse. Non, mais c'est bon, je vais prendre un taxi, hein. Je vous attache un petit garage qui fait. Non, mais Sylvain, il veut vous ramener. Sylvain! Oui! Tu vas ramener madame? Oui! Montez dans l'Axantia, là, j'arrive! On passe chez un pote avant. Mais non, mais c'est sa voisine. Et là, mec. Oui, c'est sa voisine, ils se connaissent. Il lui dit texto, il fait. Ils sont dans la caisse, ils rentrent, il lui fait, bon, il y a silence absolu dans la voiture, il met même pas l'autoradio, je pense que lui, il savoure les silences maintenant. Ouais. Et là, il la regarde pas. Et il fait, tu veux voir un truc? Un mec qui parle jamais et qui tout d'un coup dit, est-ce que tu veux voir un truc? Ça fait peur. À la base, il voulait lui montrer sa collection de monuments fabriqués à partir de macaroni et de cure-dents. Ils ont trouvé que c'était pas assez sexy. Du coup, ils vont faire le truc le plus classe et le plus sexy de Los Angeles. Et ils vont à la pêche aux écrevisses. C'est ça. Mais non, tu sais, ils vont dans ce fameux truc, les rivières asséchées à Los Angeles, là, qui est dans Terminator 2. Ouais, Terminator 2, exactement. Qui est dans Last Action Hero aussi. Ouais. Et ils vont au lac, et là, il y a un montage magnifique avec cette petite musique. Je vais pas la chanter, je sais que t'as envie de la chanter. Je reviens. Et là, ils vont faire des ricochets. Le temps va s'arrêter. Ils vont pêcher les crevisses, vraiment. Il me semble qu'à un moment, ils pêchent un truc. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais. Les crevisses qu'il y a sur son blouson. C'est ça qu'après, il scotche. C'est pas un patchwork. C'est un pan de fruits de mer. À l'origine, c'était les coquilles Saint-Jacques qu'il avait dans le dos. Et le temps va littéralement s'arrêter parce que quand ils partent, au lac, le soleil est couchant. Et quand ils reviennent du lac, le soleil est couchant. Mais parce qu'ils ont campé, c'est le lendemain. Et du coup, donc là, c'est vraiment l'amour familial à l'état brut. Cette scène est insupportable. Ouais. Et moi, il y a un truc qui fait hurler de rire, c'est la fin du montage. Tu le vois, il est dans le couloir, il rentre chez lui et il porte le petit dans ses bras. Ouais. Et il a mis son blouson dégueulasse de cascadeur pour protéger le petit. Et il le porte, tu sais, genre c'est limite le père, quoi. Et ils ont coupé, il y a une scène, mais normalement ils vont faire les papiers d'adoption dans l'après-midi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui offre pas un mini blouson avec un mini crâne dessus. Franchement, on l'attendait ça avant. Avec un mini marteau et un mini cure-dent. D'ailleurs, c'est là que la nana lui explique que son mec va sortir dans une semaine de zonzon. Ouais. Parce qu'au début, on croit qu'il est mort. Ah, mais attends, on pense qu'il est mort. Mais en fait, non. Il va revenir. Ouais. Attends, il y a un truc qui est... Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être qu'il est vraiment très beau, mais en vrai, t'es une mère de famille, bon, tu as passé cette super après-midi, bah, c'est quand même toi qui couches ton gosse. C'est lui qui va aller coucher le petit dans la chambre. Tu sais, elle est en train de faire du thé, elle fait oh, « c'est bon le petit, je vais le coucher, t'inquiète pas ». Bah, surtout, moi j'ai mon voisin qui est comme ça, la boîte est super belle, elle dit pas un mot, elle est super belle. Ton voisin est belle ? Non, bah, après j'ai transféré. Je me dis si c'est une femme. Je lui dis « si elle parle jamais, qu'elle est ultra chelou comme ça, jamais elle va coucher le môme toute seule, ouais. quoi, tu vois. Ouais. » Ils vont avoir une discussion, il va être au bord de la fenêtre, ils vont discuter. Ah oui, c'est-à-dire que je pense que, d'ailleurs, le personnage de Gosling était un chat dans une vie antérieure. Il passe son temps devant la fenêtre. Je pense qu'il compte les voitures d'ailleurs. Il joue avec les oiseaux en grattant les carreaux. La scène où il s'accroche au rideau. Il joue avec un laser. Bon, bref. C'est cette scène-là où il y a des pauses de 30 secondes entre toutes les phrases. Ouais. Tu sais, il devait être briefé, c'est pas possible. Tu vois. Non, t'as répondu trop rapidement là. Je t'ai dit, tu comptes 10 Mississippi. C'est hyper lent. Ouais. Et après, il y a la scène, bah, justement, le comeback. Du détenu, ouais. La fête, la grande fête. La grande fête où en fait il n'est pas invité, parce que ça se trouve, elle flippe un peu que son mec pète un câble. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la rencontre qui va arriver très vite entre le mec et Ryan. Ouais. Et tu vois, on sent qu'il le teste un peu, il dit « Ah, c'est toi qui a aidé, c'est toi qui a aidé ouais, ?» ouais. Je pense qu'au bout de deux secondes, il te fait « Attends, ok, il est complètement débile, bon, j'ai rien à craindre. » Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la fête, Gosling sort sur le palier de porte, et elle a dû oublier la clé à l'intérieur, je pense. Elle est dans le couloir, on sait pas pourquoi, alors qu'elle a fait. Elle l'attend. Mais déjà, je sais pas si t'as remarqué, elle a dû lui emprunter ses lampes à Gosling pour sa fête. Chez elle, il y a 8500 lampes, c'est l'appartement Ikea. Et Ryan Gosling, il répare une pièce de bagnole. Ouais. Il n'a mis qu'une seule lampe de chevet chez lui, genre c'est tristissime. Ouais. Et d'ailleurs, à la fête, je peux te remarquer, ils écoutent la musique de la BO de Drive. C'est vrai. C'est un peu une fête de beauf, et ils écoutent une espèce de, tu vois, de truc d'électro des années 80. Ils sont trop stylés. Et il y a énormément de figurants à cette fête. Genre, là, ils sont quatre. Ils les ont pas du tout briefés pour leur demander de faire semblant de s'amuser à une fête, quoi. Ils sont vraiment derrière avec des gobelets en plastique et ils attendent. Bon, ouais, c'est pourtant une fête de sortie de prison, quoi. En fait, en général, c'est les meilleurs, celles-là. Hein. Ah ouais, alors, et surtout, le personnage, est-ce qu'on peut parler du perso, qui a l'air ultra nerveux, quoi. Oui, il a l'air nerveux. Ouais. Je trouve qu'il a l'air gogol. C'est quoi sa nationalité, à part qu'il n'est pas Ryan Gosling? Il est mexicain. Il est violent, quand même. Latino-américain, ouais. Ah, c'est un chicano, hein. Les chicanos, ils rigolent pas. Hein. Oh, moi, je l'ai pas trouvé violent. Il met un petit coup de pression dans le couloir et tout, mais devant les gros méchants après. Franchement. Bizarre. Mexicain. Hasard. Je sais pas. Du coup, il va se faire casser la tête, exactement. En même temps, il méritait, à ce qui paraît, quoi. Il va se faire casser la tête par des Ruskov. Par des Russes? Ouais. Non, c'est pas. Non, c'est à cause de. Quoi. Mais si, le gars. Là... Il s'arrive en MiG-28 ou. Et Ryan Gosling, il va voir ça. Ça se passe dans le parking de la copropriété. Ouais. Non, d'ailleurs, moi, je me suis demandé, on avait l'impression que ça se passait dans le garage, tu sais, c'est le même endroit, quoi. Le problème, c'est que tu fais pas ça dans les parties communes, quoi. C'est dégueulasse, merde. Qui c'est qui nettoie après? Non, il y a le petit aussi qui voit, c'est trop naturel. Ah, le petit témoin. Et Ryan Gosling, le premier truc qu'il fait, t'as le père qui est au sol, qui s'est fait déboîter et tout. Il va s'occuper du môme. Ouais. Et surtout, il est direct en tension. Au lieu de lui dire, vas-y, aide-moi à me relever, il fait, qu'est-ce que tu regardes? Qui veut vraiment pas se laisser aider. Et puis voilà, l'altruisme gosselinien, c'est d'aller aider l'enfant, quoi. Et puis le père aussi, parce qu'il le soigne, il me semble, dans la salle de bain. Enfin, Il va lui dire, bon, c'est quoi les bails dans ton histoire, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Russes sont montés dans les tours? C'est bon, absolument qu'à chaque podcast, on cale ces deux expressions. C'est quoi les bails? Et monter dans les tours. Et après, l'autre, il va lui expliquer direct tout, alors que Ryan Gosling est l'homme le plus muet du monde. Enfin, moi, j'ai un voisin très chelou qui a un blouson qu'il a jamais enlevé, il a toujours le même. Avec un crabe dans le dos. Déjà, je lui dis, approche-toi pas trop de mon fils, et ensuite, je vais pas t'expliquer tous mes problèmes, quoi. Et surtout, tu lui dis, bah, de toute façon, même si je lui explique, il va rien comprendre, donc ça sert à rien si je lui explique, quoi. Tu m'écoutes? Il me regarde pas, ce con. Réponds! En fait, on apprend à la fin du film qu'il ne parlait pas anglais. Et donc là, dans un grand élan de charité, il va décider de l'aider, en fait. Et de faire le... Il va se faire inviter à dîner avant. Hein. Oui, c'est là qu'ils en parlent. Ouais, c'est le dîner. C'est là qu'ils parlent de leur rencontre. Ah oui. Qui est une histoire, effectivement, tout à fait adaptée à un enfant de moins de 3 ans. c'est parfait. Et non, mais c'est surtout, il fait... Non, mais j'ai rencontré ta mère à un moment magique, elle avait 19 ans. Mais j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, c'est pareil. Ah ouais, c'est vraiment le mari modèle, le mec qui s'est planté de 20% quand même. Mais c'est ça, il surtout dit, c'était, à un moment, il dit c'était il y a 7 ou 8 ans, quoi, tu vois, parce que, et hop, 7 ans après, t'es né. Donc c'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 7 ans, il s'en rappelle pas, alors qu'il a quand même eu 4 ans de prison pour tout se remémorer de ce qui s'est passé avant dans sa vie. Et non, en fait, non, il a déjà tout oublié. Et donc ça va vite, il va rencontrer le méchant. Le gros caïd, ouais. Qui est pas le cool, hein. Ah ouais, c'est pas le grand caïd, d'ailleurs. Le mec en ouais, tenue, c'est le semi-grand caïd. C'est Cook le Ruskov, là. C'est lui que j'appelle le Ruskov. Ouais, mais il y a... Qui va lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Cook, c'est pas trop un nom de Ruskov. Ah, c'est Cookoff. Bon, voilà. Cookoff, ok. Et lui, il fait vraiment flipper, en fait. Et pourtant, Ryan, il va pas se laisser faire. Ça sent la mafia un peu dégueulasse, en fait. Un peu Gomorra, tu sais. Ça, pour le coup, c'est la mafia en jogging, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas mal fait. C'est vrai que lui, il a l'air un peu, ça a l'air un peu dégueu, crâne, violence et tout. Ouais. Ça va pas durer longtemps, parce que quand tu vas dans son club de striptease, c'est plutôt propre. Ah, tu parles de Castaldi, là? Non, tu parles de Cook. Mais d'abord, il faut quand même qu'on explique. Cette scène, là, du coup, il va y avoir un braquage foiré. Bon, le papa gênant qui sort de zonzon, bah, il va se faire flinguer. Ça, pour le coup, c'est plutôt pratique. Ça ferait chier qu'il reste en vie. Et après, il y a une scène de bagnole qui est cool, que j'ai trouvé hyper cool, moi. Qui est cool. Enfin, il y a quand même le truc de la marche arrière qui était un petit peu trop, quoi. Bah, attends, on explique, c'est un pilote, hein. Ouais. Enfin, ouais, mais alors, voilà. Ouais. C'est pour ça que je me disais aussi, tu vois, le gars, c'est censé être le meilleur pilote. Enfin, celui qui est derrière, il se défend pas mal aussi, quoi, parce que il fait exactement. Bah, t'en sais rien. Peut-être qu'il a fait Top Gun. Hein. C'est un drive. Ou peut-être que c'est de speed. c'est peut-être Sandra Bullock, voilà. Putain, j'ai eu du mal. Non, enfin la scène est cool. Là. Mais déjà, il faudrait peut-être expliquer la scène du braquage, coup, en fait. Le coup du. C'est un guet-apens, en fait, le braquage, c'est ça. Hein ouais, on n'a pas compris. En fait, ils se sont fait doubler. Ils devaient braquer un local pour faire genre 40 000 balles. En fait, ils volent un truc d'1 million parce que ça appartenait à un autre mafieux. Enfin, ça, c'est des magouilles. On sait trop compliqué. Ah, moi, j'avais compris en fait que c'était un guet-apens pour tuer le latino, non? Non. Ah bon? Mais je vois pas l'intérêt de le tuer pour les méchants, quoi. Bah. Non, on enchaîne. Ça, bon, faut vous regarder le film si vous n'avez pas compris. Voilà, visiblement nous non plus. Moi, j'avais pas le bon DVD, je le répète. Ouais, après, il y a toujours ce truc-là dans tous les films. Ça, c'est hyper marrant. Donc, il se réfugie dans une chambre de motel classique aux États-Unis. Il y a que ça en fait. Elle est cool la scène de la chambre de motel. Non, mais c'est avant que les mecs arrivent, c'est toujours pareil. T'allumes la télé. Et il y a une seule chaîne qui est une chaîne d'information continue et qui parle d'exactement ce qui vient de se passer et qui explique. Oui, visiblement, il y a un mort ici. Et ensuite, après, c'est on interrompt ce journal pour passer à autre chose. Hop, on éteint la télé, tu vois. C'est bon, on a eu le petit rafraîchissement. Oui. Il va lui montrer c'est qui domine, Christian. Ah Hendrix. Ouais, là, il va bien montrer c'est qui domine parce qu'il y a quand même 4 gars qui arrivent avec des méga fusils à pompe et lui, il va tous les désinguer avec rien du tout et en se protégeant avec un matelas. Ce qui est quand même Alors, pas attends, mal. Il se protège avec un matelas et il tue un mafieux avec une tringle à rideau de douche. Non, c'est une brosse à chiottes, t'as pas vu? C'est limite s'il va pas retourner dans la chambre prendre un oreiller pour l'étouffer avec, tu sais. Dans la première scène, il lui cassait la gueule avec une poubelle de salle de bain. Mais après, ça c'est un truc aussi qui fait marrer, c'est que Ryan Gosling, à partir de ce moment dans le film, il va faire plein de trucs quand même méta dangereux. Et il n'a jamais aucun plan et il est toujours tout seul. C'est-à-dire que il va dans un club de striptease avec un marteau, mais tu vas te faire dézinguer, mec. Si tu utilises un flingue, c'est fini. Là, c'est pareil. Il y a deux mecs qui arrivent shotgun et tout. Il fait, ok, vite. Bah, je vais prendre un matelas. Non, mais ça, je pense que dans l'urgence, tout le monde aura ce réflexe-là, quoi. Après, ils vont dans le club de striptease. La rideau douche, pas moi, perso. En katana, tu sais. Après, ils vont dans le club de striptease pour aller casser la tête à Cook. Il lui casse bien la tête. Hein. Il lui casse la tête. On peut dire qu'il lui casse la tête, ouais. Il lui casse la main, en fait, avec un marteau. Ouais. En fait, il veut lui enfoncer la balle qu'il avait donnée au gamin quand il était allé péter la gueule au père dans le parking. Mais il se passe quoi quand tu tapes avec un marteau sur une balle? Est-ce qu'elle explose ou quoi? Ouais. Mais je crois qu'il a un clou, en fait. D'abord, il lui met un clou entre les deux yeux. Et après ça, il switch avec une balle et il veut lui faire avaler la balle. Ouais. Parce qu'il a la balle dès le début. Mais attends, à mon avis, tu tapes machin, tu te fais exploser le doigt. Hein. Une balle, tu tapes au marteau, je pense que ça explose, quoi. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est Ryan Gosling, il doit être sans doute suffisamment con. Non, mais il est parti chez Monsieur Bricolage pour se renseigner, quand même. Donc là, je peux taper avec ce martillot, oui, allez-y. là, c'est un peu la pause surréaliste du film, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il arrive dans un espèce de club complètement ouvert, avec des glaces, une moquette rouge. Les meufs, elles sont toutes seins nues. Pour les besoins du film, elles ont des culottes. C'est toutes des avions. Et personne n'a peur et personne ne bouge. Mais justement, si elles flippent à mort... Si, elles bougent quand même. Non, mais attends, t'as deux meufs derrière qui sont languissantes, qui sont là. Ah, un coup qui se fait encore casser la gueule. Et genre, il fait, passez-moi le téléphone. Et l'autre, elle arrive, elle lui tend le téléphone, elle a pas peur de lui du tout. Enfin, tu vois, c'est complètement bizarre ce qui se passe. Ouais, elles sont soit elles sont complètement défoncées, soit elles sont mortes de peur. Mais alors elles sont en admiration devant Van Gosling. C'est peut-être ça aussi. Oh, il a un crabe dans le dos. Vous croyez qu'il va revenir, le gars avec le crabe dans le dos? On peut remettre la musique de Kavinsky. Ensuite, t'as la scène d'ascenseur. Je pensais que la plus longue du monde, c'était Top Gun. En fait, non, elle est là, elle est dans ce film-là. Ouais. Parce que. Scarface, si vous voulez dire. C'est pas... Ah ouais, dans Scarface aussi, ouais. Oui, dans Scarface aussi. Ou dans Speed. Non, maintenant, en fait, il y a des scènes d'ascenseur dans tous les films qu'on fait. En même c'est un des critères. En même temps, puis quand le vélociraptor prend l'ascenseur dans Jurassic Park. En même temps, dans Drive, elle est au ralenti en plus, donc ça rajoute un peu du. Oui. Avec encore les sons d'église et machin. Et du coup, toi, les scènes au ralenti, vu que tu regardes le film accéléré, c'est normal. C'est la seule scène où j'ai à peu près vu ce qui se passait. Où j'ai compris. Et après ça, il va faire une hotline Miami au mec dans l'ascenseur. Il va lui maraver la tête, mais de manière. Non, il lui fait un irréversible, quoi. Ouais. Ouais, il lui défonce la tête à coups de pompe. Mais à la fin, c'est de la bouillabaisse qui a par terre. Donc, La bouillabaisse, c'est un plat marseillais. Et j'ai l'impression que. Enfin, je sais pas si tu peux faire ça avec des Stan Smith, tu vois. À mon avis, il faut des bonnes godasses à crampons quand même. Il est en tongs surtout. C'est l'été, il est en main. Et donc là, on voit qu'il a gagné, mais on voit qu'il a perdu la box. Non. Greg, il n'aime pas qu'on coupe la parole. Vas-y. Bah non, j'ai rien dit. Mais si, tu voulais dire un truc sur l'ascenseur. Ah non, c'est bon. Bon, bah, on passe à autre chose. Il a perdu la meuf. Hein. Il a fait surtout carrément peur à sa voisine. Il a perdu l'espace de 3 heures parce qu'après, elle va quand même toquer chez lui. Elle a quand même un peu besoin de lui à la fin du film. Sachant que le mec, il vient quand même. Alors, ce qui est marrant dans cette scène, c'est que voilà, avant de tuer quand même le mec à coup de pompe, il roule une galoche à la meuf. Ouais. Ça, c'est classe. Hein. Ah ouais, c'est classe, ouais. Ouais. C'est tout. Mais d'ailleurs, dans la première prise, il s'était planté, il avait roulé une galoche, le mec, il l'avait défoncé la meuf à coup de pompe. Ah bah non, coupé, tu t'es planté, Ryan, encore. À partir de là, que ce soit clair, parce que le film n'en parle pas, et du coup, le problème n'est pas posé, mais à partir de là, il y a un cadavre sans tête dans l'ascenseur de la copropriété. Je pense que tu ne peux plus rentrer, sortir de cet immeuble. Il y a pas de flic, personne le recherche, donc ça c'est lui, il a pas trop de problèmes. Il va retourner voir. Là il y a la scène où le père de Malcolm il va se faire assassiner. Ouais. Ah oui. L'assassinat avec un rasoir bic qui va lui trancher la main. Le bras. Ouais. Ce qui est marrant c'est qu'on est vraiment entre les, tu sais, le gangster à l'ancienne, tu sais, qui va lui couper la veine avec le rasoir tout beau et tout, et le coup qui est complètement dégueulasse. C'est, t'as deux types de gangsters, t'as le crado sans jogging et l'autre qui est en costard et qui fait des trucs à l'arme blanche. Surtout tu peux vraiment tuer un mec en faisant ça. Il le plante, mais super vénère, quoi, tu vois. Avec un rasoir qui coupe à fond, là, tu fais une entaille de 20 cm. Moi, je l'ai fait 2-3 fois, franchement, c'est. C'est radical, hein. J'ai fait 2-3 TS. Non, mais. Ouais, tu sais que c'est la méthode. Tu vois ce que c'est? Oui, tentative de suicide. Moi aussi, j'ai des HP, hein. On doit tout simplement. C'est comme ça qu'on se connaît, hein. On enregistre de Sainte-Anne, pour ceux qui savent pas. Oui, on arrive, donc. Il y a deux manières hyper efficaces de tuer quelqu'un en toute discrétion, c'est le rasoir ou la tringle à rideau de douche. Mais c'est pas fini, il va nous montrer d'autres méthodes pour tuer. Parce que là, il va remettre le masque de Fabien Barthez et il va aller à la soirée de pizzeria. Il va juste mettre sa tête très très proche de la fenêtre pour qu'on le voit. Et après, il va remonter dans sa caisse. Oui, ça servait à quoi de faire ça? Mais déjà, ça sert à quoi de mettre le masque de Franck Leboeuf, quoi? sachant qu'il appartient à la prod, donc le lendemain, au moment du tournage, ils vont dire, putain, le masque de Franck Leboeuf, il a disparu. Ouais, sachant qu'il a toujours son manteau avec le scorpion, donc tout le monde le reconnaît, quoi. Plein de sang. Regardez, le mec avec le scorpion, il est là, mais il a mis un masque. Oh, ah putain, bah ça va pas être lui, alors. Franck Leboeuf qui a le même manteau que le gars. Donc en gros après il va aller tuer le mec à la mâchoire carrée là. Ouais. Ils vont les suivre en bagnole. Enfin il va les suivre en bagnole de nuit. Il va leur taper au cul. Ils vont faire un tête à queue. Ils font des carambolages. Il les balance dans le ravin, quoi. Non, parce que c'est en deux fois en fait. Oui, c'est en deux fois. Ils font déjà un tête à queue. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs c'est en deux fois. Ouais. Heureusement qu'il a son masque, hein, là, parce que sinon on aurait pu le reconnaître. Et surtout il va les pousser dans le ravin, dans un espèce de truc hyper dangereux, parce qu'il va les pousser, mais qu'est-ce qui dit que lui il va pas continuer à aller dans le ravin, tu vois, il a freiné juste avant. Oui, il s'arrête juste avant. C'est un très bon conducteur. Et surtout après il y a un plan où il est en haut de la colline, ses deux phares sont hyper allumé, genre t'as pas pété tes phares en faisant ça, quoi. C'est clair. C'est impossible, tu vois. Oh, il est mécano, il connaît les combines. Et après, il va noyer le gars. Bah, non, ce qui est marrant, c'est en fait, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que le méchant, il s'enfuit dans la mer, ouais. Parce que c'est sûr, ouais, que c'est vachement plus pratique. Ouais. Bah, c'est ce qui lui permet de dire dans la scène d'après, ouais, il a pas réussi à passer de l'autre côté de la mer. Ce qui était très drôle. Ah, il dit ça, non ? Ouais, noté. Mais là encore, c'est pareil, il s'avance hyper lentement vers lui. Putain, mais qu'est-ce qu'il dit que le gars, il a pas un flingue sur lui et qu'il, ouais, tire dessus, enfin, non, mais c'est clair. L'autre, à la limite, tu vois, Ryan Gosling, il a un marteau sur lui, mais ça suffit pas, quoi, au bout d'un moment. Il a pas de flingue, mais en tout cas, il a l'air d'avoir un maillot de bain parce qu'il va prendre un bain de minuit, quoi, du coup. Et là, il garde son masque. C'est comme s'il avait son, ah ouais, bonnet de bain, tu vois. Ouais, mais ça tombe bien parce qu'il avait un peu de sang sur son blouson scorpion, là, du coup, il le nettoie un peu, là, non, je pense. C'est pour ça qu'il en profite, il se dit, bon, allez, ça va nettoyer mon 501 et puis mon blouson. Et après, t'as l'autre mafieux qui l'appelle et qui lui dit, bon, bah, faut qu'on règle cette histoire. Est-ce que ça te dit, on se fait un petit boboon, là, tu parles de restriction, là. Et là, c'est pareil, le plan, ça pue l'embrouille. Enfin, le mec, t'y vas, ouais, jamais, bien sûr qu'il va te flinguer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, Ryan? Et bah, il va. Et bah, il survit. Ben on sait pas trop, en fait. Non, mais déjà, déjà il y va, il arrive au resto, mais déjà tu y vas jamais au resto, et il lui dit bah voilà, je te file la thune et je me casse. Et le mec le plante. Ouais. Ryan Gosling va le contreplanter. Ouais, mais attends, le bise, c'est qu'en fait, il lui rend le fric en échange de quoi, il laisse la nana tranquille. Ouais, déjà, enfin, quand t'as un mafieux qui a déjà buté tout le monde. Ouais, t'es pas trop digne de confiance, en effet. Tu dis, ah bah, tu touches pas la meuf? Ah bon, bah, ça va, alors je vais te rendre le pognon. Parce qu'en fait, $1 million, hein, on parle pas de 30 000 euros. Hein. Je pourrais plutôt me barrer avec elle en gardant tout ton pognon, comme ça on sera en sécurité, mais j'ai plutôt te le rendre. Comme, ouais, ça, toi, t'y touches pas, et puis toi, tu me surveilles toute ma vie. C'est vrai, ouais, que c'est une et surtout, option, tu me plantes. Hein. Le premier truc qu'il, ouais, fait, le gars, c'est qu'il le plante. Donc, il se fait. Et Ryan Gosling, il le contreplante. Ouais, il se panarde mutuellement. Mais il le tue, en fait. Mais pourquoi il se barre pas avec la meuf et le môme au Mexique, quoi? Bah ouais, non, mais moi, j'ai, ouais, pas compris. Il va s'ouvrir un cart, ouais, et il sera... Non, mais en fait, c'est à ce moment-là que tu comprends que pendant tout le film, Ryan Gosling n'a rien compris à ce qui se passait et qu'il agissait complètement aléatoirement. C'était un cotorep. Il n'a rien compris. Même à la fin, il laisse le million. C'est-à-dire qu'il vient de tuer. Il laisse un cadavre de mafieux. En vrai, le seul truc qui reste à faire, c'est de casser au Mexique ou à l'hôpital parce que tu viens de te faire planter. Oui. Non, il va se faire une petite bretelle d'autoroute à 6, tranquille, pour mourir au volant, quoi. Et là, il y a une scène qui est hyper longue, où on voit que la tête de Ryan Gosling, ouais, dans sa caisse. Et j'ai cru qu'il y avait un bug, quoi, tellement la scène a été longue. Bah, si ça a duré plus d'une heure, il y a sans doute eu un bug. Moi, le film a duré 2h30. Non, mais c'est surtout qu'en vrai, je pense que toi, tu te fais planter, je sais pas, tu vois, à l'estomac, au pancréas, ou je sais pas. Tu montes dans ta caisse, je pense que déjà tu meurs, et surtout, si jamais, t'arrives à survivre et que tu te mets au volant, en vrai, tu fais 30 bornes, tu prends un platane parce que tu vomis du sang, tu vois. Et lui, il est là tranquille, c'est bon, je me tiens vite fait là, tu vois. Donc, il meurt pas, on fait un sondage ou pas? Moi, je dis qu'il meurt. Moi, je dis qu'il meurt pas. Moi, je dis que c'est une allégorie qui meurt. Mais non, il a laissé $1 million en plus. Et alors? Enfin, si c'est pour refaire ta vie, tu dis, bon, je préfère recommencer de zéro, vraiment zéro. Il a tué tout le monde, il est pédard. Mais non, mais tu prends le million, c'est cool, $1 million quand même. Il va recommencer sa vie ailleurs parce qu'on sait pas trop d'où il vient au début. On sait pas d'où il vient, on sait pas où il va. Voilà. Ok, ben voilà, donc c'est le film, c'est à la mode d'aimer ce film, c'est à la mode de pas aimer ce film aussi, donc du coup, oui, on est niqué, donc nous on dit qu'on est moyen. Non, moi j'aime bien, pour j'assume, être différent. J'ai passé un bon moment. Ouais, toi Greg? Bah, moins pire qu'avant, comme je t'ai dit, quoi. Moins pire que la première fois, quoi. Mais par exemple, La Planète des Singes ou ce film? Franchement, j'ai préféré La Planète des Singes. Wild Wild West ou ce film? Ce film. Okay. Et toi, Barbara? Moi je trouve qu'il y a pas assez, enfin... Je suis assez partagée parce que je trouve que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue, c'est un peu relou. Ouais, moi je trouve que c'est ce qui donne son charme. Et après, voilà, je trouve que ça donne aussi de l'intensité. C'est comme une BD où il n'y a pas grand chose d'écrit, c'est plus sympa. On s'embête pas. Je suis un peu partagée. Je trouve ça quand même plutôt bien, c'est bien réalisé. Alors, j'ai pas vu ses films précédents, il paraît qu'ils sont très bien en fait. J'ai vu que Only God Forgives qu'il a réalisé après, mais moi je trouve que c'est bien réalisé, je trouve ça bien, même au niveau du rythme, moi j'aime bien. C'est assez planant. Moi je pense que c'est pas trop long. Tu pourrais le voir en chinois, non sous-titré, ça changerait pas grand-chose. Oui, c'est sûr, ouais. Sauf si les musiques sont remplacées par des musiques traditionnelles chinoises. Donc c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul, tout le monde en a un. Alors, je vais commencer par vous dire que les commentaires sur Drive, c'est pas un cadeau. Ah ouais? C'est-à-dire, sur Allociné, tu as 1356 commentaires 5 étoiles. Ah ouais? Et quand même 546 boulot, Michael, commentaires 0 étoiles. T'as eu du gros boulot à tout dire là. Ah, j'y suis depuis mars 2013. Alors, j'en ai quand même sélectionné pas mal, même s'il n'y en avait pas tant que ça de drôle. J'en ai 6. Alors en fait, je me suis permis, comme un peu sur Scarface, c'est-à-dire que j'ai du commentaire 5 étoiles, mais j'ai aussi du commentaire 0 étoiles. Ok. On va commencer par le 5 étoiles. Ouais. Pour faire plaisir à Greg. Merci. On a Dungeon Kestel qui nous dit un très bon film à voir et à revoir. Et si après l'avoir vu, vous n'avez pas envie de vous balader dans votre voiture la nuit, c'est que vous n'avez pas compris le véritable sens du film. D'accord. C'est étrange. Mimi qui nous dit oh, super film, j'adore et je recommande. J'adore l'acteur calme, mais faut pas l'embêter, hein. Alors, on a Milka, qui doit probablement être une vache, qui nous dit, alors, je pense qu'elle a gagné un pari, qui consistait à écrire le plus de fois le mot drive dans un commentaire. Elle dit drive mérite d'être vu juste pour la bande son drive. Entre parenthèses, original motion picture soundtrack, qui est exceptionnel. Pour le reste, Drive est une adaptation du roman du même nom, Drive. Drive est l'histoire d'un homme assez intrigant. Son job, point d'interrogation, cascadeur le jour, chauffeur de braqueur la nuit. On a Franck Duvar qui nous dit comme un Pulp Fiction, je considère ce film comme une référence pour son style très personnel. J'ai aimé les contrastes très forts entre les moments de calme et la violence de scène qui vous décolle la pulpe. Et enfin, on finit sur deux commentaires 0 étoiles, donc de gens qui ont détesté. On commence avec Eva T qui nous dit « Comment vous dire ? Gros navet, encore un film qui sert à rien. Les producteurs auraient dû garder leur argent pour nourrir les enfants qui meurent de faim en Afrique. Celui-là, j'aime bien, c'est vachement constructif. Et enfin, on a le commentaire un peu plus long, je préfère vous prévenir. Hein. Et Henri Smirnoff, qui doit sûrement être imbibé à la vodka, qui porte bien son nom, qui commence par « Bon, je viens pousser ma gueulante hein. !» Qu'est-ce que c'est que ce truc faisandé avec ces acteurs qui font tous la gueule et mettent une plombe pour dire un mot? Et cette caricature de beau gosse de Gosling? Ouais, il sait conduire. Ok, il sait conduire une bagnole. Eh ben moi aussi, alors. On n'écrit pas un film sur moi pour autant. On nous promet des scènes de poursuite. On a le droit à deux pauvres scènes. Avec un espèce de bruit de fond. Ah oui, le bruit de fond, c'est la musique pourrie. Il est génial, ce gars. Il est parfait. Et puis, la pub pour ce film, c'est une arnaque. On nous le vend comme un super film d'action, comme les Fast, entre parenthèses. Ça, c'est des méga chefs-d'œuvre. Si c'est de l'ironie, ce gars est un génie. Les Fast. Ah mais attends, mais c'est une œuvre d'art, ça. Alors qu'il n'y a rien. Pas de pouvias. Pas de grosses caisses avec des néons. De gros systèmes surround à 6000 watts. Ou de scènes d'action super violentes. Perdez pas votre temps avec une dope pareille. C'est dit. Et en bon français, bande de méprisants grotesques. Ah, ce gars est magnifique. Ah putain, mais c'est un génie. Ah vas-y, faut voir s'il a écrit d'autres commentaires. Alors, gars, je sais pas. C'est monsieur Smirnoff, c'est Henri Smirnoff. Donc c'était notre avis et ceux des autres et ceux d'Henri Smirnoff sur le on va essayer d'inviter. Ah non mais attends, à chaque fois qu'il met un commentaire, c'est sûr qu'on le mettra. Des commentaires, des réactions sur notre Twitter @2_HDP, ça y est, je m'en souviens cette fois. Bien joué. Superbe. Et voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine alors. Allez, à bientôt. Ciao.